la vacance chez ma grand-mère. J'adorais passer les vacances chez ma grand-mère. Elle avait toujours un tas de choses à m'apprendre. L'été, nous faisions les tartes et les confitures. Elle m'apprenait les plantes à guérir. L'hiver, on grillait des châtaignes à la cheminée. Et surtout, on fabriquait des petits bateaux dans des coquilles de noix que nous faisions flotter sur les flaques formées par la pluie. Grand-mère avait toujours un bâton pour chasser les oies depuis que l'une d'elles m'avait mordu la joue. Nous rentrions trempées toutes les deux, mais le bon chocolat chaud nous revigorait bien vite. Et tous les soirs, elle me racontait une histoire pour m'endormir. C'était mon instant préféré. À la maison, ma mère, avec son travail, n'était pas souvent là pour me faire la lecture du soir. Je me calais sous l'énorme édredon de plumes d'oie, de plumes de noiseau, comme je disais alors. Ma grand-mère arrivait avec un gros livre sans images et s'asseyait sur un minuscule tabouret à trois pieds. L'histoire qu'elle préférait me raconter commençait dans une petite maison dans la prairie où vivait le petit poussé. Comme ses parents étaient pauvres, bêtes et méchants, ils le perdirent dans une grande forêt. Il avait bien semé des petits cailloux pour retrouver son chemin, mais la petite fadette, grande facétieuse, les avait tous mangés. Enfin, pas tout à fait. Elle en avait gardé afin d'en faire avaler à la petite sirène pour ne plus qu'elle remonte à la surface. Quelle farceuse, hein ? Le petit poussé errait depuis de longs jours quand soudain il aperçut une petite maison en pain d'épices. Quelle ne fut pas sa stupeur en voyant un petit cochon s'enfuir de la maisonnette qui s'effondra sous le souffle du grand méchant loup. Il s'enfuit à son tour à grands cris quand surgirent de derrière un grand arbre le petit Larousse et le petit Robert réconciliés main dans la main. « Chut !» lui dirent-ils. « Tu veux réveiller la princesse au petit pois qui a déjà du mal à trouver le sommeil ?» Le petit poussé, agonisant, s'assit sur une pierre pour réfléchir lorsqu'il vit s'approcher le petit chaperon rouge. « Es-tu perdu, petit poussé ?»« Oui, mes parents m'ont abandonné au cœur de cette grande forêt. »« Suis-moi, petit bonhomme, je vais chez ma grand-mère lui porter ce petit pot de beurre. Elle a un grand cœur, elle te recueillera. » Le petit poussé suivit le petit chaperon rouge en rampant, tellement il était affaibli, jusqu'à la maison de la gentille mère grand au grand cœur. Mais une fois qu'ils eurent tiré la chevillette et que la bobinette eut chu, ils tombèrent nez à nez avec le grand méchant loup, qui avait déjà digéré les trois petits cochons et la mère grand, et qui avait donc une petite faim. Il les dévora tout cru, déchiquetant chacun de leurs membres, leur cœur et leurs intestins, avec ses grandes dents. Quand j'étais petite, ma grand-mère savait bien raconter les histoires. Mais après, j'avais grand mal à dormir. Je suis devenue adulte maintenant, et je sais. Ma grand-mère n'avait jamais appris à lire. Assise sur son trépied à mon chevet, elle tenait sa Bible en main et me racontait les histoires de son enfance comme elle se les rappelait.